Je veux pas. Thank you. Nuisance. calme, je trouve.

vous êtes bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui débute. Nous allons commencer donc dans un fond sonore de pluie car il pleut dehors. Bienvenue si vous êtes avec nous. Bienvenue si vous ne l'êtes pas. Nous allons à présent nous poser à côté d'un feu joyeux. En ce sombre décembre de Noël, nous allons vous conter une histoire. Une histoire de merde, de chiottes. Comme la merde, la terre. Et on va bientôt avoir droit à une punition. Ouais. On va bientôt avoir le droit de mourir. On aura cette chance tous et toutes. On aura le droit de crever. Mais d'abord, faut qu'on travaille. D'accord ? D'accord ? Orage en prévision. Un orage qui va faire blip. Il va faire blip. Et il va crever l'orage. Il va crever le ciel comme la couche d'ozone. Elle est crevée. Comme les dauphins et les baleines, elles sont mortes. Et qu'au fond de la mer, il n'y a plus de tortues. Tout ça, pour vous ce soir, vous y avez droit. Vous pouvez ne pas le voir. Mais de toute façon, vous ne le verrez plus. À mort. Et après avoir été au bord du feu, on peut écouter le coulis d'une rivière. Belle la nature. Dans sa fécalité. Thank you. Bien sûr, toujours, vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine ou Canal Sud.net sur le web. Vous écoutez actuellement l'émission Nuisance. Nuisante. Nuisante. Nuisante. Nuisante. Nuisante. Nuisante. Nuisante. Nuisante. Nuisante. Nuisante. Nuisante. Nuisante. Vous êtes à l'écoute d'une émission bouddhiste, Nuisance, sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud. Nous entendons à présent les cigales qui sont venues nous réchauffer le cœur en ce doux mois de décembre 2011. Nous sommes, je m'abuse, le 16. Cher assistant. Oui, Georges. Merci, Robert, de ton aide précieuse. Nous sommes actuellement le 16 décembre 2011. Il reste à peu près un an et quelques jours à vivre, car c'est la fin du monde le 21 décembre 2012. Allah soit béni, toute la terre et moi-même béni d'entre les cieux. Nous allons enfin pouvoir crever. Tant mieux. Enfin pouvoir crever en paix, prout. Si le cœur vous en est, dites toujours, jamais, c'est l'actualité. Ça rien ne saoule le toit du préambule, je veux dire, tout en clôturant, c'est parce qu'on se détritue, abject, abjection, oblation. Quelle est la différence? Oblateur, sors-nous donc un verre, disait le poète inspiré. Tant mieux pour nous, on va avoir quelque chose à boire grâce à l'oblateur qui aura fait son oblation sur notre tronche. Et tout ça en paix, prout. Toujours une incohérence dans le discursif d'une futuriste introduction. Il vous reste donc un an à vivre et quelques jours. Profitez-en bien, claquez vos thunes, claquez votre blé, tout votre fric, claquez-le, c'est le moment, il vous reste un an à vivre, claquez votre fric, c'est plus la crise, la consommation va regrimper, je le sens, chers concitoyens et concitoyennes, nous sommes ensemble pour la vie. Alors souris à la vie, parce que la vie elle est belle la vie. Le sourire, c'est beau le sourire. Ce qu'on veut, c'est des souriants et des sourieuses. Compris? Vous souriez là dans les coins? Ouais, je veux vous voir sourire tout cela. Là, ouais, et vous aussi, pareil. Vous souriez, vous faites beau sur la photo, c'est tout. Fermez vos gueules. On vous a rien demandé d'autre. Allez, trimez. Espèce de tricard de merde. Fermez vos gueules, je vous ai déjà dit. Il reste à peu près 30 secondes à vivre. J'en ai rien à foutre, ta gueule. Va chier. Prends le toit le mou. J'en ai rien à battre. Espèce de merde. Toi aussi, tu peux la fermer. Écoutez ce que j'ai à dire. Vous valez rien. Vous êtes de la merde. Même pas de la merde. De la merde, on peut mettre ça sur un champ. Et genre, si t'es un bouseux du coin, pourri, tout con et débile qui pue, tu peux aussi mettre ça, ça s'appelle l'épandage et tout, tu vois. Ouais, tu connais pas ça, ta gueule. En même temps, t'as mal éduqué, c'est fait exprès. Canal Sud de Canal Sud, la radio de toutes les envies. Canal Sud, la radio du bonheur. sud, la radio de la mélancolie. Canal Sud, la radio de toutes les émotions. La radio dans toutes. Oui, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud. Pour vous rassurer tout de suite, il y a bien quelqu'un dans les studios, quelqu'un ou quelque chose. Quelque chose qui se trame, se passe, je veux dire. sur Canal Sud, la radio de, du bonheur et du plaisir et de la musique, surtout beaucoup de musique. Belle sur Canal Sud, vous écoutez la radio Canal Sud dans la région toulousaine ou sur canalsud.net. C'était Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Nous avons encore de la musique pour vous, beaucoup de musique et encore de la musique, surtout de la musique, beaucoup de musique surtout. On vous aime. Vous écoutez toujours Canal Sud. Soirée pop ce soir. croyez être au paradis, non, vous êtes bien sur Terre. C'est toujours l'enfer. Vous écoutez toujours Canal Sud, c'est du direct live pour vous ce soir depuis environ 21h. Pas la durée, l'heure je veux dire ce soir, 21h. Plus.